Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sébastien Giray. Salut Seb, comment tu vas ? Eh ben salut Sofiane, très bien, je suis content d'être là et ça me fait rire ta phrase d'intro déjà. J'ai déjà entendu, mais là, entendre elle est bonne. Ah ben ça me fait plaisir, il y a quelques personnes qui m'ont fait la remarque aussi par rapport à cette phrase, qu'ils la trouvaient plutôt juste, et en fait c'est juste parce que voilà, je veux dire, c'est notre vécu, les galères font que tu vas grandir, si tu tiens face aux galères, c'est que tu peux devenir humoriste, en fait c'est ça tu vois. Merci en tout cas, c'est moi qui suis heureux de te recevoir dans le podcast, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, je suis très très content, et puis c'est vrai que ça parle, hein. Ça parle les galères, et parfois on a besoin de finalement d'évacuer tout ça, et peut-être que ton podcast est... C'est le moment, quoi. Tu vas être mon psychologue, mon psychanalyste. Gratuit. Allongez-vous sur le divan. Non, mais c'est une psychanalyse un petit peu, tu vois, de parler de ses souffrances et tout. Au début, moi, j'ai la théorie que, tu vois, déjà par rapport à mon vécu à moi, que mes souffrances de base, j'ai pas envie d'en parler, tu sais, quand ça vient d'arriver. Vraiment, j'ai mal et j'ai qu'une seule envie, c'est de les oublier. Sauf qu'après, elles restent. Et après, ça devient cathartique de pouvoir en parler et de les livrer à travers un podcast. Ou, tu sais, j'ai l'impression, en fait, que raconter un truc qui t'a fait du mal et réussir à faire rire les gens avec, tu vois, c'est ce qu'on fait sur scène déjà, tu vois, même pas en podcast ou quoi, c'est ce qu'on fait sur scène. Raconter nos galères qui nous font mal et réussir à faire rire des gens avec, j'ai l'impression que c'est comme exorciser le mal, tu sais. C'est comme si t'avais réussi à recycler quelque chose. Tu sais, c'était quelque chose de mauvais, c'est devenu quelque chose de bon, tu vois. Ah ouais, mais j'y crois complètement. Et d'ailleurs, ça marche pour tout. Il ne faut rien garder, il faut toujours en parler. Donc là, c'est pareil pour quand on se prend un bide qui fait mal. Tu n'as pas envie d'en parler le soir. Non, laissez-moi, c'est bon. Ça peut durer parfois quelques jours, selon la taille du bide. C'est ça. Plus le bide a été dur, plus le podcast va être loin dans le temps. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations, moi, tu sais quoi, je les ai vécues, mais je crois que j'en ai parlé qu'au bout de... genre quelques semaines ou quelques mois, tu vois, alors que des situations, des petites galères et tout, je peux limite en parler, aller le lendemain, quoi. Ouais, et donc, toi, tu as eu des anecdotes ou des bides ou des choses comme ça, donc que tu pourrais nous livrer dans ce podcast ? Écoute, j'en ai eu, bien sûr. Alors, il y a eu déjà un petit peu les classiques du début, mais même de toujours, hein, c'est les scènes ouvertes, les plateaux qui sont des plans, parfois des plans galères. Assez régulièrement, d'ailleurs, il y a une espèce de récurrence, mais donc voilà, des pizzerias, tu joues sous les néons, ça, tu vas rendre service à un copain qui te dit ça va être bien, puis finalement il n'y a que des humoristes, s'il n'y a pas de public, bon, on fait ça en fait, il y en a eu plusieurs, ça arrivait plusieurs fois, donc je ne peux même pas t'en parler de un en particulier, voilà, c'est toujours des expériences, et là je pense qu'on est vraiment sur le travail de forgeron, là on forge, là on a des bras... te dire, c'est Schwarzenegger. mais c'est vrai que ce genre de scène galère et tout, les scènes ouvertes, tout ça, quelque part, c'est un peu volontairement galère, parce que forcément, si c'était des bons plans, il n'y aurait pas de place pour y aller, tu vois. C'est des plans, pas que personne ne veut, mais c'est des plans pour débuter, et c'est volontairement dur au final, parce que les gens savent aussi, parce que quand le public sait que ce n'est pas des têtes d'affiche qui vient voir ou quoi, il est beaucoup plus, tu vois, relâché au niveau de l'attention et tout. C'est dur de faire une bonne scène ouverte, hein. Donc, quelque part, c'est bien parce que ça permet de faire le tri dès le départ, tu vois. Si tu tiens pas à l'épreuve de la scène ouverte, c'est même pas la peine d'aller essayer le reste, quoi, tu vois. Mais ça, c'est Koh-Lanta en fait, les scènes ouvertes, c'est Koh-Lanta. Si tu arrives là, si tu arrives à faire rire une salle avec le serveur qui passe toutes les 30 secondes devant la scène, avec le bruit des toilettes, le néon qui queen, enfin, t'entends en cuisine, allez, une reine pour la 5, enfin, tu arrives. Tu arrives partout. Après, t'es à l'Olympia, t'as les doigts dans le nez, t'es tranquille. Donc, bon, c'est vrai que ça, au moins, c'est un bon. Mais on devrait nous filer une espèce de badge, tu sais, genre une fois qu'on sort de ces scènes-là, une fois que le mec a gueulé, une reine pour la 5, tu vois, genre, qu'on vienne te donner un badge et te dire ce badge-là. Si tu vas à l'Olympia, on te laissera jouer là-bas. Ah, c'est bon, tu es validé, mon ami, tu es validé. Essuie ton nez, tu saignes, et puis voilà, quoi. Donc ça, des plans comme ça, il y en a eu pas mal. Alors, il y en a eu même, à vrai dire, récemment, il y a 3-4 ans, on me propose de venir jouer dans un resto, faire genre, je sais plus, 20 minutes ou un bout de spectacle comme ça, mais tout seul, tu vois. Et en fait, bon, j'y vais, il y avait l'argent, hein, quand même, donc j'y vais. Je pense que c'est souvent le frigo qui nous dicte nos plannings. Non, mais ça avait l'air pas mal, donc je vois effectivement le lieu, bon, restaurant, mais il y avait quoi faire, et puis ça avait l'air pas mal. Et puis en fait, la question cruciale, c'est est-ce que les gens mangeaient pendant que tu jouais ou pas ? Tout à fait. Donc ça, les plans resto, déjà, quand les gens mangent, c'est toujours très dur. Ça, c'est vraiment très dur. Et là, le mec n'avait pas prévenu les gens. En fait, il me disait, voilà, c'est la première fois, je vais essayer de faire cette formule avec un spectacle, etc. Mais c'était des gens qui venaient dîner au restaurant et qui ne venaient pas voir un spectacle, qui n'étaient pas du tout au courant qu'il y allait avoir un spectacle. Donc, mangeaient. Et puis, à un moment donné, il me dit, bon, bah, allez, vas-y. Et c'est-à-dire, vas-y, vous me présentez et tout, vous êtes bon, bah maintenant le spectacle va commencer, machin, enfin tu vois, tu tapes un peu sur le verre pour que les gens sachent, parce que là c'était le brouhaha du restaurant normal, tu vois. Ouais. Il me dit vas-y comme ça, alors j'y vais, je commence à parler, et puis à essayer de faire des vannes, puis très rapidement je vois que c'était peine perdue, parce que l'ayant fait déjà avant des trucs comme ça, j'ai vu que je... Donc là, ce que je switch, et je me marre de l'énormité de comme je parle dans le vide et que personne de temps en temps regarde. Je sais pas s'il devait se dire j'ai annoncé les numéros du PMU ou je sais pas, mais ouais. Et puis on regarde, ouais. Et puis tout le monde continue à discuter comme si je n'existais pas. Mais parce que là, franchement, c'est dommage parce qu'il y avait deux erreurs monumentales. Et je ne dis pas ça pour dire que je suis meilleur ou quoi que ces personnes qui organisent ces scènes. Non, ce n'est pas pour dire ça qu'on critique ça. C'est juste parce qu'on a de l'expérience là-dedans et on sait que c'est voué à l'échec. Deux erreurs monumentales qu'on a toutes commises déjà. Mais premièrement, de faire jouer quelqu'un pendant que les gens mangent, ça, c'est incompatible, premièrement. Et deuxièmement, de ne pas les avoir prévenus avant. Tout à fait. C'est quoi ? Faut pas qu'on oublie, on est en France. Tu ne peux pas battre une pizza. Je suis désolé. On aime la bouffe c'est sacré. Quand quelqu'un bouffe, il peut pas écouter un humoriste. C'est impossible. Oui. C'est comme ça. Donc, il faut pas faire ça. Et moi, tout à l'heure, tu sais, j'avais l'espoir quand tu m'as dit que tu allais jouer que 20 minutes. J'avais l'espoir que tu m'annonces qu'en fait, c'était entre deux plats, tu sais. Ouais. Ou à la fin, ou avant le dessert, ou tu vois. Voilà, n'importe, mais juste pas pendant que les gens mâchouillent, tu sais. Juste que leur bouche ne serve qu'à rire. Bien sûr. Et puis, il aurait fallu aussi qu'il y ait du bon. Ils disent maintenant, on arrête de manger, on regarde le spectacle, et tout à l'heure, on mange le dessert, ou c'est après le spectacle, au pire. Mais... Enfin bon, de toute façon, j'y suis allé en ça, je lui ai prévenu. Après, je lui ai dit, je le savais que ça allait se passer comme ça. Mais le gars, bon, il tentait ça. Il n'était pas bien confiant, il venait d'ouvrir son restaurant, il galérait, il tentait le truc spectacle. Et... Enfin bon. Plan galère. Son intention, elle était bonne, tu vois, de vouloir déjà toi te donner du taf, un peu d'argent et tout. Déjà, c'est cool qu'il t'ait pas fait le coup du viens jouer et je t'offre de la visibilité, tu sais. C'était noble de sa part. Et puis de vouloir faire une petite surprise à ses clients parce qu'il venait d'ouvrir, il essayait un peu de les charmer. Franchement, ça, c'est un message à tous les organisateurs. On ne critique pas le fait que vous vouliez nous faire jouer. C'est vraiment super. C'est très gentil de votre part. Juste, fiez-vous à nous au niveau des conditions. Si on vous dit, donnez-nous un micro, il nous faut un micro, parce qu'il y en a des fois qui vont dire, oh, c'est bon, mon restaurant, il est tout petit, machin. Il nous faut un micro. On est obligé d'avoir un micro pour pouvoir dominer au niveau du son, parce que sinon, il y a les bruits de bouche, il y a tout déjà. Et même, il y a les rires des fois. Enfin, je sais pas. Et nous, ça nous donne une prestance. On a l'habitude du micro. Donc voilà, en tout cas, le micro, si on vous le demande, c'est pas pour vous embêter. Si on vous dit, pitié, ne me fais pas jouer pendant que les gens mangent, vraiment, c'est pas par snobisme. C'est parce que sinon, ça ne marchera pas. Tu sais quoi, moi, j'ai eu un peu la même chose que toi. Je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast ou pas, si je l'ai déjà raconté, toutes mes excuses. Mais donc, en gros, je vous la fais courte dans tous les cas. Je jouais dans un coin vraiment très reculé et tout. C'était un repas spectacle. J'ai prévenu les organisateurs, je leur ai dit, j'espère que vous avez prévu qu'on ne joue pas, il y avait moi et ma première partie, j'ai dit, j'espère que vous n'avez pas prévu qu'on joue pendant que les gens mangent. Et ils ont dit, si. Et on a dit, non, il faut absolument que les gens mangent avant ou après, mais pas pendant. Et ils ont dit, non, vous inquiétez pas, ça va aller et tout. Un peu comme ce que t'as dit toi, l'organisateur. Mais je leur ai dit, vous allez voir. Tu sais, j'avais pas le choix. Parce qu'au niveau timing, j'étais serré. Parce qu'il y avait une grève de la SNCF. J'avais un train à midi le lendemain pour monter à Paris. Et il y avait une grève de la SNCF qui fait que mon train a été supprimé. Ce qui fait que j'ai été obligé de me rabattre sur un Flixbus 5 fois plus cher. Et je te jure que je mesure mes mots. 5 fois plus cher, j'ai payé 50 € au lieu de 10 € avec un Ouigo. Et pour un trajet qui durait 3 fois plus. Ah ouais. Donc, magnifique déjà, magnifique. Et en plus, qui me faisait partir, au lieu de partir à midi, qui me faisait partir à 5 heures du matin. Ce qui fait que je devais rentrer, j'étais à peut-être 400 km de chez moi, tu vois, et j'ai dû rentrer en catastrophe. Donc, je n'avais pas le choix, je devais jouer le spectacle et repartir. Si j'avais eu le temps, si j'avais eu mon train le lendemain, par exemple, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, écoutez, ce que je vous propose, si ça ne vous dérange pas, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de couvre-feu ni rien, j'aurais dit, si ça ne vous dérange pas, je préfère qu'on attende que tout le monde ait fini de manger. Vu que là, vous êtes lancé, vous allez commencer les entrées et tout, je vous propose qu'on attende que tout le monde ait fini de manger et après je joue. Mais ils m'ont dit désolé, on ne savait pas et tout, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai dit là, de toute façon, la question ne se pose pas, je n'ai pas le choix, je dois repartir à minuit maximum pour pouvoir être à l'heure pour mon Flixbus. Mmh. Et ils m'ont dit ok, bah, jouez, allez-y. Ma première partie se casse la gueule, tu sais, je vois le collègue se prendre une balle au Vietnam, tu vois, c'est vraiment galère, quoi. Mmh. Je le vois tomber sous les balles. Et moi, je sais que je suis le suivant, tu vois, donc vraiment, je suis dégoûté. Mais j'étais comme toi, j'étais en mode, je le sais que ça va mal se passer. J'ai joué mon spectacle après, donc lui, il est tombé sous les balles. Moi, je suis tombé sous les balles aussi, tu vois, mais j'ai joué parce que moi, je devais faire une heure et quart, donc je n'ai pas eu le choix. J'ai tenu jusqu'au bout, je me suis mis en pilote automatique. Il y avait une table qui m'écoutait, vraiment, j'ai joué pour eux, tu vois. Et puis, à la fin, ben, quand j'ai récupéré mon chèque, je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, vous avez vu ce que je vous ai dit ou pas? Et ils m'ont fait, ah ben ouais, c'est vrai, vous avez raison. À partir de maintenant, on ne fera plus jamais jouer pendant que ça mange. Et je dis, bah voilà. Tu vois, mais ils ne te font pas confiance. Donc toi, le mec, tu n'as pas fait confiance. Et du coup, derrière, est-ce qu'il a refait une session ou pas? Bon, toi, tu as été utile au moins. Tu as été l'expérience. T'as pris pour les autres. Malgré moi. Ouais. Et moi, écoute, je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Et parce que je ne connaissais pas la personne, on s'était assez loin. Voilà, ça s'est fait une fois. Et ça m'était arrivé déjà à mes tout débuts, ma première fois où on m'a dit, ouais, tu vas jouer devant 300 personnes, une soirée pour remettre des prix sportifs et tout, un truc un petit peu prestigieux en plus. Et il m'avait dit, demander d'écrire quelque chose exprès pour l'occasion sur le sport. Voilà. Donc moi, tout excité, et puis les débuts, quoi. Et puis voilà, 300 personnes, un truc de ouf, machin. Bon, j'écris un sketch sur le sport. En tout cas, j'essaye et je prends un truc et tout. J'avais 20 minutes, toi. J'avais écrit un truc de 5-10 minutes, ce qui est quand même pas mal. J'avais pris du temps, il n'y avait même pas d'argent au bout. C'était que pour le prestige. Jouer 300 personnes, quoi. Voilà, exactement. Et puis, bah, en fait, c'était une soirée avec dîner. Donc, 300 personnes, mais 300 tables rondes, énormes, dans une grande salle comme ça. Ouais, la moitié des gens qui te tournaient le dos, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire, voilà, j'ai joué pareil, j'étais une radio, un fond sonore comme ça, mais personne ne m'a écouté pendant les 20 minutes. Alors, je suis allé au bout aussi. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu as essayé de faire le jingle « Rire et chanson » Non. C'était mes tout débuts, donc je n'étais pas aussi à l'aise que... Enfin, maintenant, je suis plus à l'aise face à ce genre de situation, si jamais ça se produit. Mais non, j'étais perdu. J'ai ri, au bout d'un moment, j'ai ri tellement de nervosité. C'est un rire nerveux, ouais, c'est ça. C'est pas possible, vous ne m'écoutez pas. Parfois, je disais, vous ne m'écoutez pas. On est bien d'accord, vous ne m'écoutez pas. Mais personne ne réagissait, donc ça confirmait bien ce que je disais, j'étais en train de dire. Ouais. Oh là là. Ça, c'est vrai que ça a été la douche froide par rapport à l'enthousiasme qu'il y avait eu. C'est parti, grosse soirée, et puis après, gros bide. C'est dur, hein, ça fait mal, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? T'es obligé de passer par là, t'es obligé de passer par la base, et puis quelque part, ça te forge, en fait, ça te galvanise derrière. C'est-à-dire que si t'as vécu ça en galère et tout, en plus, dès tes débuts, en fait, hein, tu vois, dès le début de ta carrière, ben après, t'as plus peur, tu vois. Quand tu vois qu'il y a moins d'attention et tout, machin, c'est bon. Regarde là, le Covid, c'est une belle galère aussi. Si on te dit, écoute, faudra que tu joues, mais faudra que tu joues en plein air. Ben, franchement, le plein air, je te déteste, mais aujourd'hui, tu me proposes un plein air, je te fais un câlin. Hein. Grave. Ah oui, aujourd'hui, on a passé un cap dans la frustration de ne pas jouer et tout. C'est carrément, j'ai l'impression qu'on est interdit de jouer, tu vois. C'est même pas genre, on ne peut pas jouer. C'est comme si on vous disait, non, vous ne jouez pas. On vous interdit de jouer, tu vois. Donc, c'est comme ça. Alors, au moment où sortira le podcast, normalement, on sera libre et sur scène, j'espère. Ah ben, j'espère. Hein. Voilà. Non, mais vraiment, c'est incroyable quand même de se dire qu'on est obligé de passer par là. Mais quelque part, tu vois, tu as ri nerveusement. Aujourd'hui, on en rigole, tu vois. C'est un passage obligatoire. Et je pense que si tu... Je me suis toujours posé la question, tu vois, un humoriste qui n'a jamais vécu de galère à ses débuts, on va dire, tu vois. Le jour où il va vivre une vraie galère, ça risque d'être encore plus violent pour lui, tu vois. Alors que nous, dès le départ, tu vois, à la troisième marche de l'escalier, on s'est pété la gueule, on dit « Ah ben c'est bon, ok ». Et du coup, pour les 150 autres marches, tu fais attention en montant. Alors on gagne en équilibre. Oui, bien sûr, tu gagnes en équilibre, tu gagnes en confiance en toi, en prestance, parce que du coup, le truc le plus dur à faire, moi vraiment, j'essaie d'y travailler encore, Dieu merci, je commence un peu à l'acquérir, c'est de ne pas montrer quand tu as envie de mourir sur scène. Quoi. Ouais. Tu vois, quand personne ne t'écoute, tu es en train de balancer tes blagues. En plus, tu sais que c'est des punchs qui tuent, tu le sais, tu les as validés 400 fois devant 400 publics différents et tout, et eux, ils n'écoutent pas, tu es frustré, tu as envie de crever, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et il ne faut pas que ça se voit. Il faut que sur ton visage, on lise la joie et bienvenue à l'Olympia, tu vois. Tout va bien. C'est ça. Le fameux ouais. Tout va bien, exactement. Eh ben, même pas Poker Face, parce que Poker Face, ce serait négatif. C'est Happy Face. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Voilà. Alors après, ça dépend de ton personnage. Hein. Tu vois, je pense que toi et moi, quoi que toi, tu fais un peu plus d'humour noir maintenant, j'ai l'impression. Oui. Je sais que quand je t'avais vu sur scène, j'avais l'impression qu'on avait un peu le même univers, un peu, tu sais, dans l'énergie et dans la rigolade avec les gens et tout, tu vois. Mais c'est vrai que si t'es dans l'humour noir, oui, non, Happy Face, pas forcément. Hein. Non, c'est autre chose. Voilà. Une fois, ça m'est arrivé, tout le spectacle, et là aussi, c'était encore au début, c'était un plan trouvé par mon manager de l'époque. Alors ça aussi, le manager, ça, c'est une galère d'humoriste, en fait, parce que t'as plein de personnes qui sont très bien et très compétentes et plein de bonne volonté. Et puis, il y en a qui sont peut-être plein de bonne volonté, mais qui n'ont pas le reste. Et puis, des gars qui essaient, qui tentent, et puis toi, t'es tout jeune, tu dis, ah bon, c'est vrai, tu me promets si, ça va être comme ça, bon, bah ok, je vais bien essayer. Et puis, plus, ça te coûte rien, parce que c'est un manager, donc tu payes, il a un pourcentage sur ce que tu gagnes, donc c'est pas vraiment, tu vois, tu dis que tu risques pas grand-chose, donc voilà, il propose des trucs. Puis là, c'est un plan qui aurait pu être bien, c'était dans la campagne, voilà, bon, ok, très bien, je logeais là-bas. Et puis, quand je vois la scène qui est en train de se construire avec des tables, je commence à douter. Et ensuite, ils me disent, bah c'est ça, là, on t'a fait, voilà, c'est la scène, et puis les gens, il y a trop de personnes qui vont manger devant toi. Et toi, tu fais tout ton spectacle sur trois tables. Et donc, les gens étaient à l'écoute. Je crois que c'est encore pire. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'écoute, mais ils n'ont pas ri une seule fois. Alors, comme si je jouais un truc dramatique, j'ai l'impression qu'ils... Je sais pas, que... Ça, en tout cas, c'est pas passé. Il n'y a pas eu de connexion entre eux et moi. En plus, je faisais des personnages... Donc, j'étais pas dans un stand-up où je leur parlais, donc c'était vraiment que dans mes personnages, tu vois. Et puis en plus, je savais pas faire un stand-up, je savais pas parler aux gens. Je faisais mes personnages, j'avais un spectacle de personnages, donc j'enchaînais mes personnages. T'avais le quatrième mur et tout. Exactement. Ils me regardaient comme si ils regardaient la télé, voilà, sans bruit, attentif, mais il se passait rien. Alors, j'aurais joué autre chose que de l'humour, je veux bien, mais là, ça m'a fait mal. Les gens t'écoutent et t'as pas un rire, tu te démerdes quand même. Ouais. Ça m'est arrivé de jouer devant. 4 personnes, tout mon spectacle, c'était 10 fois mieux. Voilà, les gens riaient, enfin le genre riait, je sais pas si on doit dire à partir de combien on dilait, mais c'était sympathique, c'était horrible aussi, mais c'était sympathique. Là, c'était encore pire. Tu sais, tout le monde te regarde, mais comme si il se passait rien. Horrible. et du coup, tu penses que c'est venu de quoi, en fait? Je pense... C'était du manque de connexion, c'est-à-dire que ça n'a pas dû leur parler, mon humour. Bon, c'était beaucoup de second degré, et peut-être que je préférais un humour plus cash. Je ne sais pas, en tout cas, ça ne leur a pas plu. Peut-être que je n'étais pas drôle. Hein. Bon, après, le même spectacle marchait sur d'autres gens, hein, mais en tout cas, ce soir-là, non. Et le pire, c'est qu'après, ils viennent te voir en disant « c'était génial, bravo », mais avec sincérité. Et là, ça a fait bizarre, quoi. Ouais, mais donc ça, je veux dire, c'est un grand classique. C'est vrai que je suis étonné que ce soit tout le public qui ait fait ça, mais c'est un grand classique d'avoir des gens dans la salle. Certaines personnes viennent te voir pour te dire, après, je ne sais pas si tout le monde m'a dit ça, mais genre, déjà, même qu'une personne vienne me dire ça, j'étais choqué, donc c'est... Ça, tu dis, c'est un grand classique chez les humoristes. Je pense que tout le monde l'a vécu déjà au moins une fois, que quelqu'un ne décroche pas un sourire, même pas une vibration de la lèvre, tu sais, pendant ton passage. Et après, il vient te voir et il te fait « j'ai adoré ». Et tu comprends pas. Tu dis « mais comment ça ? Vous avez pas décroché un sourire ? » Et en fait, la personne, c'est sa façon d'être. Elle a le rire très intérieur. Elle est vraiment très introvertie ou je sais pas. Mais ça l'empêche pas d'apprécier. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'il existe aussi des gens où eux, ils vont rigoler physiquement. Tu vois, ils vont vraiment avoir un rire extérieur et extériorisé, tu vois. Et à la fin, tu leur demandes comment vous avez trouvé. Bon, ils vont sûrement te dire c'était bien. Mais si tu leur demandes sincèrement, ils vont dire « ouais, c'était pas mal, c'était pas mal ». Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Ça ne reflète pas forcément. Et quelque part, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça donne le bénéfice du doute, tu vois. Tu vas tomber sur une salle un petit peu moins réactive où des personnes, tu sais, tout le monde rigole sauf ces personnes-là, bah, tu peux te dire qu'elles font partie de cette catégorie-là de gens qui apprécient en silence, quoi. Ça nous permet de nous rassurer. Voilà. Mais tu sais, je cherche à me rassurer. Hein. Depuis que je monte sur scène, je cherche à me rassurer. Et ce podcast, quelque part, c'est une façon de me rassurer aussi parce que les gens me racontent leur galère. Je dis, ouf, ça va, il n'y a pas que moi. Ça va. Tout seul, c'est bien. Ouais. Ah, mais c'est ça. Hein. Mais des galères de début, on en a, des galères de milieu et même des galères du futur, hein, parce que la scène, ce sont des galères, c'est du spectacle vivant, donc c'est pas genre fixé, les conditions seront pas toujours les mêmes, c'est pas un truc qui se répète, quoi. C'est toujours, c'est freestyle en fait, hein, c'est, tu vas te retrouver à jouer un coup en plein milieu d'un mariage, un coup tu vas jouer dans une chicha, un coup tu vas jouer dans un café-théâtre, un coup tu vas jouer pour un club de foot, voilà, il y a de tout, il y a de tout, quoi. Dans les galères de salles aussi, enfin, dans des coins où il y a moins de spectacles, hein, dans des toutes petites salles, une fois je suis tombé sur un. Bon, j'en ai fait plusieurs où c'était un petit peu galère, mais au niveau des régies, bon, encore ça, voilà. Moi ça me dérange pas s'il n'y a pas beaucoup de spots et tout, ça me dérange pas. Mais c'est quand le gars n'envoie aucun son, aucun top de tout le spectacle. Tout est à côté, tous les effets. Alors je sentais que ça allait arriver parce que à la préparation de la régie, tu vois, on fait la régie, donc je lui demande un micro, il trouve un micro et il me fait test micro, donc il parle comme ça dans le micro, il me fait test micro, tiens c'est bon, c'est réglé, il me passe le micro, la mousse qui entourait le micro était imbibée d'alcool. Je sens le micro, je fais un deux, ou là je vais pas aller jusqu'à deux, j'ai retiré le micro de mon nez. Et puis, il n'y avait pas de micro de rechange, quoi. Puis, donc, je me suis retrouvé avec un micro. Au bout de 10 minutes, j'étais bourré. Pas un top de tout. Tu sais, les trucs musique, les effets lumière. Et du coup... J'imagine trop le contrôle de police derrière. Bonjour, monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Non, mais j'ai fait du stand-up. Mais c'est René qui était à ma régie. Ah d'accord, autant pour moi. Allez-y, monsieur, circulez. Oh mon Dieu. Et donc, ouais, comment ça s'est passé? Bah écoute, figure-toi que ça s'est très très bien passé. C'était une soirée trop bien parce que le fait que bah, la régie foire tout le temps, en fait, c'est sympa quand c'est pas une pièce de théâtre super calée qui a besoin de. Mais quand c'est de l'humour comme ça, puis moi, voilà, c'est fait pour rire. Donc je n'ai fait que rebondir sur lui toute la soirée. On a fait un ping-pong avec le régisseur où je le taillais, tu vois. J'adore tailler les régisseurs et après bien les remercier. Et puis enfin, les gens ils aiment bien aussi. Et puis voilà, ouais. Ça montre qu'il y a une complicité. C'est un travail d'équipe avec la lumière, avec le son et ça fait vivre le régisseur. Bon, là, on s'est marré toute la soirée finalement. Et même s'il essayait de bien faire, je te jure, à la fin, on était tous morts de rire. Moi sur scène, le public et puis Jean-Pierre, je ne sais plus malheureusement comment il s'appelait, mais. C'était une galère, mais en fait, ça s'est transformé en soirée. Ah, c'est bien. Et, ouais. Et en fait, est-ce que tu ne penses pas que c'est un régisseur hors pair qui est capable de faire tous les effets au millimètre sans problème et qu'en fait, il fait exprès pour sublimer la soirée? Ah bah, il est bon. Hein. Oh là là, c'est du travail de pro. Un génie. Bah, écoute, c'est peut-être un génie de la régie, on n'en sait rien. En tout cas, si c'est le cas... Si c'est le cas, j'ai rencontré quelques génies de la régie aussi. Et... Il y a beaucoup de génies. Ah, il y en a beaucoup, ouais, c'est sûr. C'est en général, c'est des génies qui ont un autre boulot à côté. C'est pas leur et je dis pas ça pour critiquer, hein, mais si tu veux, en général, c'est des génies qui viennent faire régisseur pour rendre service, tu vois. Mm-hmm. Et on peut même pas leur en vouloir, mais après, quand les gars après, tu leur dis non, mais attends, là, on l'a raté l'effet, là, c'est pas bon. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller ce soir. Quand il y aura le public, ça va aller. Et quand le public est là, bah, ça ne va pas. Hein. Le gars, il tourne les pages pendant que tu attends ton effet, il cherche. Il envoie le son de mes trois pistes en avance, tu sais, qui doit arriver après. Donc, en plus, il vend la mèche pour un truc qui... Enfin bon, c'est parfait. Ouais, c'est sûr. Mais écoute, on salue tous les régisseurs de France. Ouais. On vous salue. Ah, on les salue, on les embrasse. Non, c'est vrai que la plupart font quand même du super boulot et on en profite pour les saluer parce que c'est vrai que sans la régie, c'est très compliqué, tu vois, de jouer sans lumière et sans son. C'est un concept, hein, c'est compliqué. Ouais. Bon. J'ai eu deux, trois anecdotes, si on a le temps encore. Oui, bien sûr. Des trucs, un peu tristes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ma femme m'a quitté Et j'ai dû jouer mon spectacle tout de suite, mon spectacle entier, et en sachant que voilà, la mère de mon fils partait vivre ailleurs, etc. Enfin, dans des conditions un peu tristes, j'ai dû jouer mon spectacle comme ça tout de suite et faire mon spectacle devant des joueurs importants en plus dans un truc, une belle salle, enfin avec voilà un super truc et tout. Donc j'ai joué tout mon spectacle en étant intérieurement déchiré, mais en fait. Pendant le spectacle, j'y pensais pas du tout. En fait, j'ai joué mon spectacle très bien. Et dès après, j'ai salué, machin. Et dès que je suis sorti de scène, là, j'ai pleuré instantanément, comme si, tu vois, j'avais été en pause. Je pense que ça a dû arriver à plein d'humoristes de devoir jouer dans des conditions où tu es complètement mal mentalement. Il t'arrive que des galères. Enfin, ça va pas dans ta vie, etc. Et là, c'était vraiment le choc, quoi. Ouais, c'est dur. Bah déjà, quand tu as des problèmes dans ta vie, genre des problèmes normaux, on va dire, les problèmes de la vie de tous les jours, déjà, c'est dur d'aller jouer et de donner le change, de faire croire que tout va bien, ouais. Tu vois. Mais quand là, il t'arrive un truc qui carrément te détruit, je comprends. Je comprends. C'est... Ah ouais. Mais oui, tu dois donner l'impression d'être au top, c'est ça le truc. Donc, bon, c'est vrai que c'est mieux quand on va bien. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience, quoi. Ah, c'est sûr. C'est marrant le fait de vraiment tu vois, occulter le truc, ne penser qu'à la soirée, qu'à ton texte et tout, faire une pause. Et après, t'as la décompression instantanée dès que tu sors de scène, dès que les gens te voient plus. Ouais, le corps se relâche et les larmes tombent, quoi. Et puis aussi, alors dans les trucs encore pires que je t'ai raconté. Oula, il y a pire. Salle, personne n'écoute, où les gens parlent, il y a eu la fois où personne n'écoute, où les gens ne rient pas, mais ils écoutent, et il y a eu une fois où j'ai joué avec un pote humoriste qui démarrait aujourd'hui, et puis qui aujourd'hui est une bonne notoriété, qui est super. On était tous les deux dans un plan où on devait jouer devant une salle d'étudiants de 3e, je crois, qui avait fait la journée BSR, tu sais, où tu passes ton code de la route pour le vélo, pour la moto, je sais plus trop quand t'as 14 ans, c'est ça. C'est pour conduire des cyclomoteurs et tout, genre, tu sais, des moins de 50 cm3 ou jusqu'à 50 cm3, je sais plus. Ouais, c'est le brevet de sécurité routière. C'est ça. Journée de ça. Et puis, ils avaient organisé un espèce de spectacle à la fin dans l'amphithéâtre avec 200, 300 élèves comme ça, déchaînés, complètement surexcités. C'est la fin de journée. Puis, ils en ont rien à foutre. Enfin, évidemment, à 14 ans, t'en fous, quoi. Il y a un mec qui vient faire des trucs, qui vient parler. Enfin. Et donc, je joue mon personnage, et là, c'était carrément « c'est nul, dégage !» d'accord, tu t'es fait écler par des troisièmes, quoi. Ils ont été durs. Ah ouais, c'était dur. Puis en plus, pareil, je suis pas dans le stand-up, j'étais dans mon personnage, je suis incapable de réagir. Est-ce que t'as pensé à choper la tête du gamin qui t'a dit ça et de lui éclater contre le quatrième mur ou pas? Non, malheureusement, parce qu'ils étaient plusieurs. Il y en avait plusieurs. Il n'y avait pas assez de murs. Et trop de pertes. Oh, oui. Je compatis parce que là, c'est encore pire. Tu sais, moi, je fais du stand-up. Donc, si vraiment ça se passe, franchement, ce ne sera pas facile pour moi. Attention. Hein. Ouais. Mais au moins, je peux me permettre d'injecter ça dans mon truc. Tu vois, je vais improviser dessus et tout. Mais toi, tu es dans un personnage. Donc, tu ne peux pas sortir de ton carcan du personnage. Ou alors, il faut le faire de façon très, très fine. Et c'est très compliqué. Ouais. Puis là, c'était encore une fois les débuts. Du coup... Tu tétanises, quoi. C'est un truc, voilà, c'était tellement violent que j'étais dans mon dos, je me suis dit, allez, fais vite ton truc, vite, pilote automatique, hop, hop, hop, droite, gauche, gauche. Tu sors de là, allez, à toi maintenant, mon poulet, va t'amuser. Ils sont bouillants. Ah, l'ironie du truc. Vas-y, ils sont chauds, t'inquiète. Si l'autre n'a pas vu ton passage, il va y croire. Ah, j'étais à deux doigts de me prendre une basket dans la tête. Hein. Ah ouais, d'accord, ok, carrément. C'était ultra violent. Alors en troisième, je ne sais pas ce qui est le plus dangereux, la basket ou l'odeur. C'est l'âge de la puberté et tout, donc ça doit sentir un mélange, tu sais, de transpiration, d'odeur de pied et de brut, tu sais, le parfum brut. Surtout à la fin de la journée BSR en plus. Mais oui, bien sûr. Ça vient pas. Bon, et du coup, comment ça s'est passé pour ton acolyte? Ça s'est un petit peu mieux passé parce que lui, il était en stand-up et il a un petit peu plus... Il a pu rebondir un peu, mais même... Bon, c'était quand même intenable. Hein. C'était le brouhaha, mais plus maîtrisé. Mais bon, grosse galère quand même, grosse galère. C'est clair. Et maintenant, mais je parie que ça vous a soudé. Oui, oui, oui. Ah bah ouais, j'ai fait sa première partie il n'y a pas si longtemps que ça, enfin quand ça jouait encore, juste avant. D'accord. Et là, maintenant, quand vous vous voyez, peut-être vous vous dites, ah, tu te rappelles quand on a joué devant des collégiens et tout. Je lui ai rappelé la dernière fois que je l'ai vu, justement, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui, et il me disait, ah ouais, oh, ah, mais oui, c'est vrai. Alors, il avait zappé. Donc, il a été moins traumatisé que moi, quand même, le bâtard. Mais en fait, c'est certaines personnes ont des cerveaux, tu sais, qui leur permettent genre, d'effacer les événements un peu, tu vois, genre quand c'est trop violent. Hop, ils oublient ça, tout ça. Mais j'ai quelques personnes dans le podcast qui m'ont dit ça quand je les ai contactés, qui m'ont dit, oh, bah, je ne sais pas trop, je vais réfléchir à des anecdotes et tout. Et après, quand je les ai dans le podcast, ils me disent, genre souvent en off, avant qu'on commence l'enregistrement, ils me disent, punaise, vraiment, tu m'as... Enfin, je me suis replongé dans des souvenirs que j'avais perdus, quoi. Et là, ouais. J'ai dû forcer la machine un peu pour pouvoir me rappeler de ces galères parce que mon cerveau les avait occultées, tu vois. On a retéléchargé les données qui avaient c'est été... C'est ça, c'est ça. On a repleuré, on a re-eu mal, mais on est là pour raconter ça, quoi. Écoute, j'ai encore deux petites anecdotes qui est une fois que ça s'est passé dans une très bonne soirée, tout bien, mon spectacle entier, belle salle, ok, super, génial, ça roule, hop, ça rit, super, tout va bien. On approche de la fin et il y a une petite mise en scène, il y a une table, à un moment donné, je fais tomber mon truc, mon petit accessoire de scène, donc... En fait, il y a un noir. Je me retrouve dans le noir. Dans le noir, je ramasse le truc par terre. Je m'éclate la tête sur la table. Oh merde. Je me relève. Je me frotte l'arcade comme ça. Je vais vite me mettre centre scène pour commencer ma chanson. Il y avait une petite chanson avec une danse. Ouais. Je suis très, très bien pourri, bien ridicule. Bon, c'était volontaire. Hein. C'était une chanson un peu pourrie. Vraiment. Voilà. Et j'avais très mal. Hein, mais bon, je frotte. Je me dis, allez, je vais avoir une bosse tout à l'heure. Ma danse, passe à l'orange, c'était ça les paroles, c'était passe à l'orange. Et jambon madrange, enfin bon. Et je fais ma danse, je fais un espèce de. Je suis désolé, mais je résiste pas et je pense que les auditeurs m'en voudraient si je te le demandais pas. Mais est-ce que tu veux bien nous dire les paroles et nous la chanter un peu ou pas? Écoute, attends, c'est, ça date. Hein. C'était passe. Écoute, je me souviens de passe à l'orange. Jambon madrange, enfin c'était l'histoire d'un mec qui était amoureux d'une fille pas terrible. Et voilà, mais c'était surtout le mec qui était pas terrible. Et qui dansait très mal et qui chantait très mal. Enfin... D'accord. Et qui et en donc, plus, là pour le coup, avait une bosse en formation. Et la bosse en formation, mais qui n'était finalement, en fait, qui s'était ouvert. En fait, l'arcade était ouverte. Et le sang coulait sur mon visage pendant que je dansais. Les gens devaient dire, mais quelle performance! Exactement. C'est-à-dire que moi, je ne m'en rends pas compte tout de suite. Puis, à un moment donné, tu sais, tu sens que ça coule et tout. Je touche et je vois le sang et je continue comme si tout était normal. Ça faisait partie du truc avec le regard intense et tout. Je le regardais, tout va bien. Et donc, je vais au bout comme si tout était normal. Oh. Et puis, je sors du spectacle et les gens me disaient, mais c'est. C'était fantastique et tout. Puis, enfin, c'était très bien. Mais le truc du sang, comment vous avez fait, c'est une petite capsule, etc. Je me suis dit, mais non, je me suis éclaté la gueule, les amis, j'ai un mal de chien. Et enfin, voilà, je me suis ouvert l'arcade et tout le monde pensait que c'était un effet scénique. J'allais te dire, ils n'ont pas été très empathiques parce que du coup, normalement, s'ils avaient vu que c'était du vrai sang, il t'aurait dit, attends, tu t'es blessé, fais attention. Mais donc, il pensait vraiment à un effet, un truc, ouais, genre une mise en scène, quoi. J'étais pas là en train de faire, je dansais comme si tout allait bien en chantant. Ils se sont dit, voilà, le mec est malade. Alors, je voyais pas trop le lien. Après, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pu penser que c'était logique, qu'il y ait à ce moment-là du sens. J'ai cherché à comprendre, mais... Comme le spectacle était un peu absurde, ils ont dû se dire que c'était un gag comme ça, quoi. Je sais pas, ouais, un truc, tu sais, une espèce d'expérimentation, tu sais, un univers absurde, je sais pas. Ou peut-être qu'ils se sont dit que le mec voulait tellement se marier avec la fille que, bah, du coup, il était prêt à mourir pour elle, j'en sais rien, je sais pas. Un sketch humour slash gore. C'est un nouveau concept. C'est ça. Et ouais, mais j'avoue que. Alors peut-être que ce qui les a un petit peu troublés, c'est le fait que toi, t'as pas paniqué, tu vois. Oui, oui. Mais c'est ça qui a fait que c'est bien passé. Parce que sinon, ça aurait quand même gâché l'ambiance. Si le mec, il se met à pisser le sang, tout le monde arrête de rire, quoi. Et, mince. Zut. C'était bien jusque-là, mince. Là, il y a l'empathie, ils sont pris du tout dans le délire. Ça finit un peu en queue de poisson. C'est voilà, sûr. Que moi qui ai souffert finalement. Ouais, il y a que toi qui as souffert. Ah bah écoute, pas facile, hein, mais bon, voilà. Ça aurait été marrant qu'il y ait un journaliste dans la salle qui attendait pour écrire un article sur ton passage, tu sais. Ouais, exceptionnel. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le spectacle de Sébastien Giray. En revanche, la performance artistique à la fin, je n'ai pas compris. La chanson avec le visage ensanglanté, tu sais, ou alors le mec il va encore plus loin que toi, tu sais, genre quel symbole pour montrer que l'amour fait souffrir, il chante une chanson sur un homme qui saigne en même temps, c'est vraiment trop beau et j'ai totalement compris le message, bravo Sébastien, on te soutient. Il crie au génie, du coup je suis obligé de le refaire à chaque fois, tu je crois que c'est ça qui est le plus marrant, tu sais, tu veux pas perdre la face, du coup dès que le mec vient, ah Sébastien vous faites encore le coup ce soir, ok vas-y passe-moi un couteau, allez, oh là là là là, mais comme quoi vraiment t'as été jusqu'au bout du truc et t'as été professionnel jusqu'au bout, hein, tout simplement. Ouais, là c'est vrai que courageux, c'était Koh-Lanta encore une fois. T'es sur la fin du spectacle, là. Franchement c'était la fin, donc ça valait finir quand même. D'accord, bah oui, ben là vraiment, tu parles de Koh-Lanta, là avec ce que t'as fait, t'as mérité ton totem d'immunité là. Et j'ai une dernière anecdote et puis après je te laisse tranquille. Ouais. Si t'inquiète, là. Mais c'est avec plaisir, hein. Tu sais, nous on est à la maison dans ce podcast, hein, y a pas de problème. La fois où j'ai vraiment été le plus gêné, disons le plus gros malaise, à mon souvenir que j'ai jeté pendant un spectacle. C'était dans une petite salle, voilà, très bien, où je jouais mon spectacle régulièrement toutes les semaines. Et puis au premier rang, il y avait la soirée se passe bien. Au premier rang, il y avait une dame avec son fils, adolescent, genre 16 ans, tu vois, un truc comme ça, un peu avachi sur le fauteuil. Et donc, bon, je fais mon truc, tout va bien, tout allait bien. Et puis à un moment donné, je m'adresse au petit mec et je lui dis, toi, de toute façon, tu dois connaître. Enfin, je sais pas si c'est ta mère à côté, mais bon. Et lui, il me répond, ah non, mais en fait. Moi, je suis une fille et ça, c'est pas ma mère, c'est ma copine. Oh là là! Oh là là! D'accord. Donc, un espèce de. Ah, je pense que là, il y a un blizzard qui a soufflé dans la salle. Ah oui, on a frissonné. Il y a deux solutions. Donc, soit tu t'effondres, tu bégayes, pardon, non, en fait, c'est parce que j'ai. Enfin. Soit t'assumes quoi. Donc, mais sachant qu'intérieurement j'étais effondré, j'étais merde, c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce que je fais. Mais tout ça va à une vitesse dans la tête. Pendant ce temps-là, le petit silence quand même et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que les gens vont se vexer? Est-ce que tout va bien? Enfin, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis je dis, ouais, en même temps, t'as les cheveux courts, bon, on n'a pas d'attirance, enfin, limite, tu m'emmerdes, ouais, hop. Enfin, j'ai dit un truc sympathique, mais assumé, genre, bon, bah, t'as les cheveux courts, tu dois avoir l'habitude. Et voilà. Et j'ai continué comme ça, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. C'était une petite interaction avec quelqu'un du public, comme ça aurait pu être n'importe quoi, comment tu t'appelles, Sophie, très bien, bienvenue Sophie. Et en fait, intérieurement, mais laisse tomber, mais ça a été vraiment le. J'avais jamais eu une réponse comme ça, quoi. T'as ignoré l'obstacle, quoi, après. Ouais. Hein, mon petit bonhomme. Ah non, mais moi, j'ai une fille, en fait, et ça, c'est pas ma mère, c'est ma copine. Et comme elle avait. Enfin, soit elle faisait jeune garçon, avec les cheveux courts, elle ressemblait à un jeune garçon. Bon, c'est. Ouais, bah écoute, ça arrive. Hein. Tu sais, il y a des garçons qui ressemblent à des filles, il y a des filles qui ressemblent à des garçons. Voilà. Ça, c'est... J'étais pas du tout. C'était pas. C'était pas un jugement, hein. C'est comme ça, tu as l'air bon. Ouais, bah, je comprends le malaise que ça a dû jeter. Et moi, j'ai vécu un truc, alors pas comme ça exactement, mais j'ai vécu un truc avec quelqu'un du public parce que, tu sais, on aime bien faire de l'interaction et tout. Et quand ça se passe mal, on se sent mal pour la personne. On se dit, on l'a mise en galère et tout, tu vois. Moi, à l'époque, je faisais monter une personne sur scène pendant mon spectacle. Je lui faisais lire un poème, tu sais. J'avais écrit un poème et tout, je lui faisais lire. Sauf que, bah, du coup, maintenant, je ne le fais plus parce que ce sketch-là, je ne le joue plus. Mais c'était un sketch sur la Saint-Valentin. Genre, j'avais écrit un poème à ma femme et tout. Et donc, la personne montait sur scène pour le lire. Ce serait bien que ce soit quelqu'un qui le lise à son épouse et tout, un mec qui le lise à son épouse, machin. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois, j'ai fait monter sur scène un mec très gentil. J'ai vu qu'il ne voulait pas monter, mais après, il s'est un peu dévoué. Tu vois, il est monté quand même. Et arrivé sur scène, je le vois en galère, le pauvre, pour lire. En fait, il avait du mal à lire. Ah. Je me suis Ah senti oui, tellement mal. Tu sais, il n'était pas analphabète, hein, mais il était peut-être dyslexique, tu vois. Et le pauvre, je lui ai mis. Mais en plus, il aurait dû me prévenir. Enfin, je ne suis pas en train de rejeter la faute sur lui, hein, mais je pouvais pas le savoir, moi. Il aurait dû me dire non, non, non, je monte pas sur scène. Tu sais, genre vraiment être ferme dessus, parce que je venais de dire, ce serait bien que ce soit un homme du public qui le lise à son épouse. Donc, il a compris qu'il y aurait quelque chose. Ou alors, est-ce que c'est le stress qui l'a fait bégayer un petit peu, ou je ne sais pas, mais vraiment, le mec, il a eu du mal à lire. Il avait du mal, j'ai dû, enfin, tu vois, je l'ai un peu aidé et tout. Ah, je me sentais tellement mal, j'ai regretté. Mais, tu vois, je me sentais mal pour lui, en fait, pas pour moi. Je me disais, le pauvre, les gens vont le juger, ils vont penser qu'il sait pas lire ou quoi, alors que c'est peut-être le stress qui lui fait ça. Peut-être qu'il a un réel problème d'alphabétisation ou de dyslexie. Je peux pas lui en vouloir pour ça. Et lui, j'espère qu'il va pas m'en vouloir. Tu vois, je m'en voulais tellement de l'avoir mis dans cette situation-là. Et comme toi, tu vois, j'ai éludé le problème. Dès que ça s'est terminé, j'ai dit, merci, on peut l'applaudir. Et hop, ils l'ont applaudi. Il est retourné s'asseoir. On n'en a plus jamais reparlé, sauf dans ce podcast. C'était la meilleure chose à faire. Mais oui, parce que tu veux pas mettre les gens en galère, tu as envie d'avoir de l'interaction avec eux, mais tu n'as pas envie de les mettre en galère. Mais donc, ça s'est quand même bien fini, du coup, le spectacle? Oui, ça c'est quand même bien fini. Bon, à la fin, les gens t'ont dit, t'as abusé, ou j'en sais rien, ou la fille en elle-même, qu'elle t'ait dit quelque chose. Je pense pas qu'elle l'ait mal pris non plus, elle a juste fait une mise au point, quoi. J'ai vérifié, elles ont ri après. Je faisais attention un petit peu justement pour voir si elles, ces deux-là, je les avais pas perdues. Mais ça va, ça s'est bien passé et tout. Puis en plus, certainement que ça doit lui arriver de temps en temps. Quand des filles ont les cheveux courts, parfois on dit monsieur de dos ou je sais pas quoi. Ça peut arriver. Ben moi, je vais te dire, tu sais, il y a des gens qui confondent des fois, c'est possible. Tu sais, moi, regarde, je vais te dire, pourtant, je ne ressemble pas spécialement à une fille. Hein. Au volant de mon bus, une fois, j'ai un monsieur qui est monté et il m'a regardé, et pourtant, j'étais mal rasé. Hein, et il m'a regardé, il m'a fait bonjour, madame. Comment tu veux réagir à ça? Je te jure, j'ai bugué vraiment sur le moment, j'ai bugué, j'ai mis. Mais enfin, genre, est-ce qu'il y a réellement un doute? J'ai pas les cheveux longs, j'ai pas, je sais pas, j'étais mal rasé. Ah, voilà, bon, c'est pas grave. J'ai dit, allez, je fais pas attention. Tu sais, des fois, ça peut être juste la langue qui a fourché. La personne, elle voulait dire monsieur, elle a dit madame, j'en sais rien, moi, tu vois, voilà, ça arrive. Hein. Bien Moi, sûr. avant, mais tu sais quoi, avant, ça m'arrivait, je me prenais la tête, et je pense que toutes les personnes qui travaillent en contact avec du public vont me comprendre. C'est qu'au début, je me prenais la tête. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour madame. Je me prends plus la tête, je dis bonjour, c'est tout. Parce qu'à force, je confondais. Bonjour, monsieur, madame, pardon, excusez-moi. Et c'est pas que je confondais parce qu'elle avait l'air, que la dame avait l'air d'un mec ou un truc comme ça. Non, non, c'est juste parce que, à force, dans ma bouche, ça a fourché, c'est tout. Voilà. Faut éviter de prendre les trucs problématiques comme ça. Donc voilà, en tout cas, je suis content que ça soit bien passé pour toi et que le spectacle ait pu se terminer et qu'en plus, la personne en question ait pu rigoler. Donc tout va bien. Et merci beaucoup, tu m'as vraiment, tu nous as assaisonné le podcast de belles pépites. Vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir de les écouter. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur Facebook et Instagram, à Sébastien Giray. Et D'accord. puis en plus, bon, il y a des choses à regarder, donc si ça vous dit, et de voir mes vidéos, il y a du sketch et de la chanson. Et voilà, donc je serais très content d'avoir tous les auditeurs de ton podcast qui viennent acheter un petit coup d'œil. Ah ben Merci avec pour ton grand invitation, plaisir. c'était un plaisir, tu vois. Merci à toi, merci à toi. Le plaisir était partagé. J'espère que nos auditeurs iront voir ton contenu et peut-être même qu'ils pourront retrouver la chanson de Madrange. Non, malheureusement, celle-ci n'existe pas en vidéo. Peut-être que c'est pour le mieux, je pense. Oh, ça aurait été tellement ouf que tu aies la vidéo de la fois où tu t'es blessé, quoi. Ouais, c'est vrai, ça aurait été bien. C'est ça. C'est ça. Ça, Bon, c'est c'est bon. un moyen bizarre de faire le buzz. Tu sais, genre, le mec, il a fait le buzz, mais il a perdu trop de sang. Donc, voilà, du coup, il peut plus jouer maintenant. Se mutile à chaque spectacle. Venez voir une performance unique. Voilà. Sur la guerre, non, je suis humoriste, c'est tout. Ah, mais c'est ça, voilà, tranquille, tu sais. J'essaie juste de faire marrer les gens et de leur montrer quelle souffrance c'est. Hein, voilà. Je suis sponsorisé par Laguiole et puis voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a Mais pas de. il y a un Ah. humoriste qui a une particularité, qui se tatoue le bras à la fin de son spectacle. Et en fait, il a un long trait sur le bras et à chaque fois, il le rallonge. Donc ça a commencé par un petit trait, évidemment, voire même un point au départ. Hein, et à chaque fois, il se faisait tatouer sur scène. Ah ouais. Quelque part, c'est un peu une cicatrice, hein, un stigmate en tout cas, de un petit peu une petite souffrance parce que je pense que je me suis jamais fait tatouer, mais moi je pense que ça fait un petit peu, ça t'a piqué un peu quand même de faire ça. Ouais, il paraît que ça fait mal, ouais. Et d'accord, et c'est un humoriste, genre un humoriste américain ou Non, c'est Emmerich, un pote d'ailleurs que je l'embrasse. Emmerich Lomprey, que tout le monde connaît, qui a son tatouage, hein, il s'en cache pas. Voilà, si on a vu le spectacle, on sait que ça vient de là. D'accord, ok. Ah, ben non, je ne savais pas, tu vois. Eh ben pas de problème. Donc, ben, écoute, on espère pouvoir reprendre la scène et au moment où le podcast sort, normalement, on l'aura reprise. Donc, on se souhaite beaucoup plus de succès que de galères, mais au pire, on pourra toujours venir les raconter ici. Hein, voilà, je raconte les miennes aussi de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on te retrouve sur Facebook et sur Instagram, Sébastien Giray. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.